écoutez le podcast de Mac Québec avec Alexis Cornelier et Bernard Ouellette. Bonjour, mon nom est Bernard Ouellette. Mon nom est Alexis Cornelier. On vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de ce podcast Mac Québec, un podcast qui est fort rempli encore une fois. On débute sans tarder avec Square, qui est un système de paiement qui fonctionne via le iPhone. Effectivement, Square, qui est une petite start-up aux États-Unis, qui offre gratuitement à l'inscription un lecteur de bande magnétique pour les cartes de crédit qui se connecte dans le port jack, dans le port audio du téléphone. C'est assez spécial et ça permet en fait de faire entre individus des paiements par carte de crédit. Par exemple, on est dans un marché aux puces, on veut vendre par carte de crédit, ce que plusieurs personnes dans un marché aux puces ne veulent pas faire parce que c'est souvent en dessous de la table. Ouais. Mais pour offrir la facilité de paiement, on aurait ce système-là. Or, tout ce système-là met un peu en péril les compagnies qui font déjà ça depuis un bon nombre d'années et qui offrent des terminales avec des contrats assez lourds, des redevances assez importantes. Et une de ces compagnies-là, le président d'une de ces compagnies-là qui s'appelle Verifone aux États-Unis, qui fait une lettre ouverte pour mettre en garde les gens contre ce système-là de Square. Son argumentation à lui, c'est qu'il faut faire attention parce que le scan de la bande magnétique, c'est pas crypté, puis on pourrait obtenir de l'information qu'on voudrait pas nécessairement partager. Oui, mais sauf que l'information qu'on a sur la bande magnétique, on s'entend que c'est pas de l'information confidentielle, là. C'est ce qu'on retrouve généralement sur la carte. Exactement, en fait. C'est ce qui fait que le président de cette compagnie-là est full de... Bon. Il y a des gens qui aiment ça créer des épouvantails, comme on dit. Exactement. Lui, sa façon à lui, en tant que président de compagnie, au lieu d'être original, développer un nouveau système, se battre contre ça ou quoi que ce soit, c'est d'essayer de faire peur au monde pour que quoi, pendant 6 mois, 1 an, on utilise encore son système, puis que les gens aillent pas sur le système de Square jusqu'à temps que des gens comme nous les informent pour dire, écoutez, c'est sûr qu'il faut faire attention, là, mais dans une transaction entre remettre de l'argent sonnant à quelqu'un, bien, au pire, aller là, avec une carte de crédit, il y a une trace, il y a quelque chose. Donc, on fait une campagne de peur, faire peur aux gens. Exactement. Mais de toute façon, cette technologie-là, elle n'a pas un grand avenir parce que la bande magnétique s'en va au profit de la puce. Et bien, effectivement, sauf que la puce, elle n'est pas obligatoire. La journée où est-ce que les compagnies de crédit vont dire... Nous, on considère qu'il y a un assez gros système mis en place et qu'on ne perdra pas de transactions d'argent et que ma carte ne sera pas loadée. Je ne peux pas payer par bande magnétique, je suis obligé de le faire par puce. J'ai tout le temps oublié mon NIP. Mais là, présentement, on est dans une période de transition. Voilà. Mais de plus en plus, les banques fournissent les cartes de débit avec la puce et les cartes de crédit avec la puce. Il y a un certain nombre d'années là, avant que tout soit implanté, là, tout ce système-là. Puis d'ici ce temps-là, moi, j'ai l'impression que Square va trouver un bidule qui va lire la puce en dessous du téléphone. Ils vont avoir le temps d'améliorer, d'augmenter, parce que eux, ce qu'ils font, c'est que le lecteur est gratuit, puis la transaction, en fait, eux prennent quelque chose comme 2,9%, ce qui est beaucoup moins qu'à peu près... beaucoup d'autres services, entre autres celui de Verifone, qui est probablement à 4 ou 5 % la transaction. On va parler maintenant du Xcode 4 qui est désormais offert sur le App Store. Oui, bien, Xcode, qui est le logiciel de Apple pour faire le développement d'applications iOS et d'applications pour le Mac. Cette application-là, cet outil de développement-là, si on veut, était disponible pour les développeurs uniquement. Et pour devenir développeur pour Apple, du moins du côté de iOS, il fallait débourser 100 $ par année, ce qui te donnait le droit de soumettre ton application au App Store afin de la distribuer. Ça te donnait le droit aussi d'avoir certaines versions à venir là, des mises à jour. Les bêtas. Les bêtas. Qui sont disponibles, effectivement. Là, l'outil de développement, lui, est disponible sur le App Store pour $4.99. Ça, c'est le seul outil que vous avez besoin pour partir de zéro. Il faut évidemment avoir des bases en programmation et être capable de développer une application kosher, chez Apple avec bon, toutes leurs guidelines. Il y a déjà les kits d'interface utilisateur là-dedans. Il y a déjà un bon nombre de choses qui sont intégrées à ça. Puis 4,99 pour les curieux, c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis une fois que l'application est faite, Apple fournit un outil qui permet d'envoyer votre application que vous auriez programmée dans votre téléphone. Donc, quand on dit qu'on peut pas mettre des applications dans le iPhone sans passer par iTunes, c'est pas tout à fait vrai. Si je fais une application et que c'est tellement spécifique, c'est tellement spécialisé que je ne vois pas l'intérêt de la distribuer mm-hmm. at large et d'en faire commerce, ben je peux utiliser cet outil-là que Apple propose et qui me permet simplement d'aller déposer l'application dans mon téléphone et de le faire pour jusqu'à 100 téléphones. Donc, par exemple, si je développe une application en interne d'une compagnie, ben, je vais pouvoir une application pour, l'inventaire, quoi que ce soit, un mm-hmm. truc bien à moi, ben, je vais pouvoir l'installer à mes 100 personnes dans leur iPhone. Dépasser ça, à ce moment-là, je vais avoir un problème. Mais 100, on s'entend que c'est quand même bien. Fait que je développe mon application, ça me coûte 4,99. L'installer dans mes téléphones, ça me coûte à peu près rien. Puis avec ces outils-là, bien évidemment, ce que Apple veut faire, c'est augmenter le nombre de développeurs intéressés d'abord aux produits iOS, mais après ça, par la bande, ces gens-là qui vont vouloir ouvrir leurs horizons vont probablement aussi développer pour le Mac. On prépare aussi une nouvelle génération de développeurs pour Mac. Et voilà, la pérennité des développeurs. On parle maintenant de Tembo Trunks, qui est un haut-parleur de polymère. Effectivement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des gens qui voulaient écouter de la musique quand ils allaient en camping et tout ça, puis qui ne voulaient pas nécessairement transporter un bidule électronique sur lequel on doit brancher le iPhone. On n'a pas l'électricité, ça marche à batterie, on n'a plus de batterie, tout ça. Donc, eux ont trouvé un système passif, donc qui ne nécessite pas d'électricité, et qui est en mesure d'amplifier le son provenant des écouteurs de votre iPhone. Je dis iPhone, ça peut fonctionner sur n'importe quoi, mais dans leurs vidéos à eux, évidemment, eux autres utilisaient un iPod ou un iPod Touch avec les bons vieux écouteurs blancs de Apple. C'est plus winner qu'un Zoom. Oui, qui est discontinué, qui disparaît dans pas long. Donc, ce que c'est un cône en polymère, donc une matière très rigide, très malléable, qui est à peu près indestructible. On peut rouler dessus, il monte dans la vidéo d'ailleurs, et on le transporte. Il peut se replier pour être prendre le moins d'espace possible. On met ça dans son sac, on le transporte, c'est très léger. Et puis, quand on veut de la musique, puis pas nécessairement l'avoir dans ses oreilles, puis s'isoler, bien, à ce moment-là, on met le Tembo Trunks et on peut écouter la musique. Ce qui est un petit peu particulier du produit, c'est qu'il n'existe pas à l'heure actuelle. Mm-hmm. C'est sur un site dont j'oublie le nom et peut-être que nos auditeurs pourront nous rafraîchir la mémoire. Aussi, on le retrouve d'ici à ce qu'on publie le podcast, ben on trouvera le lien et on le fera. On le mettra dans les notes de l'émission. Et voilà. Et c'est un site qui fait qu'on propose une bonne idée. Et vous, si vous êtes intéressé à la bonne idée, vous pouvez être un investisseur dans cette idée-là. Le premier niveau d'investissement, c'est que vous préachetez un de ces bidules-là. Et il y a d'autres niveaux là, qui vous donnent accès à... vous avez le choix des prochaines couleurs, vous avez le droit à une couleur spéciale, une édition limitée, des trucs comme ça. Et à ce moment-là, s'il y a assez de gens qui investissent dans l'idée, là, le produit part en production. Donc, c'est un concept qui est assez intéressant. J'étais tombé là-dessus cette semaine. C'est un petit peu loin de la nouvelle Apple, mais ça reste quand même intéressant. Il y a The Register qui nous apprend que les web apps pourraient être lancées à partir d'un bouton sur le home screen, mais qui perd un peu de performance là, quand on fait ça. Effectivement. Donc, les web apps, qui sont la première façon que Apple a proposé de faire des applications pour le téléphone, donc, on va sur un site qui est formaté façon iPhone. On a le petit plus dans la barre d'outils en bas, dans Safari. On fait plus et on lui demande simplement de rajouter au home screen, donc dans votre choix d'application, dans votre image maison, là, où est-ce que toutes vos applications sont, ça rajoute un petit icône comme ça. Mm-hmm. Avant que, par exemple, Desjardins sorte une application dédiée pour leur service, c'est la manière, moi, que j'accédais facilement à leur site web. Mais il y a des sites qui sont faits expressément pour fonctionner en web apps. Or, quand on fait ça et qu'on retourne sur sa web apps, ben l'accélération hardware de l'engin Nitro, qui est une des nouveautés qui vient avec le Safari de l'iOS 4.3, ne fonctionne pas sur cette façon-là d'accéder au site. Donc, on a des ralentissements assez importants. On est mercredi, jour de l'enregistrement. Possiblement que ce podcast va être publié vendredi, jour du lancement du iPad 2 au Canada et dans quelques autres pays dans le monde. Eh bien, le lancement du iPad 2, il a été critiqué par certains aux États-Unis. Oui, effectivement. Ben, c'est des critiques auxquelles il y en a toujours. Là, les mêmes critiques sont applicables au iPhone 4, sortie du iPad 1, tout ça. Un appareil comme ça, pour une compagnie comme Apple, un peu comme Nintendo et la Wii, on essaye d'en fabriquer un montant pour couvrir la demande qu'on peut estimer. Qu'on couvre la demande, je pense, dans les premiers 2-3 jours. Là, exactement. Puis après ça, créer une rareté pour créer un buzz. C'est ça, exactement. Donc, Apple, qui est capable de faire ça en espace de quelques heures simplement, c'est-à-dire en vendant la première batch d'iPad en moins de 8 heures. Et après ça, là, on a une rareté. On l'a vu avec l'iPhone 4. C'était très ardu après la première journée d'en trouver un. Puis ça a pris 2-3 mois avant qu'on en trouve dans les magasins. Apple les recevait au compte-goutte. Ouais, tu te souviens-tu de la Wii, la première année? Comment ça a été le cauchemar de parents ou de parenté qui voulait offrir le cadeau, la Wii, qu'on trouvait ça. On la trouvait pas partout, là. Effectivement. Moi, j'ai été chanceux. Un de mes bons chums travaillait pour une compagnie très connue de jeux vidéo. Il pouvait en acheter. Il en a acheté une. C'est ma blonde qui a dit « Hey, peux-tu m'en mettre une de côté, tout ça? Je vais faire une surprise à Alexis. » Puis elle a acheté le truc comme ça, donc elle n'a pas eu à attendre ou à courir ou à devenir folle dans un magasin à l'acheter. Mais oui, effectivement, là, c'était à peu près introuvable. C'est pas tout le monde qui va aller faire un line-up non plus pendant des heures pour aller acheter un appareil. Là. Parlant de ça, si je parle à futurs auditeurs, je suis probablement en ce moment, au moment où vous m'écoutez, en ligne pour le iPad. Probablement, c'est pas certain. On espère avoir terminé, on espère que Bernard aura terminé le montage de l'émission. Si vous m'écoutez samedi, bien, on aura raté notre coup, mais Bernard qu'il y ait un autre line-up le lendemain. Oui, après, à moins qu'il y ait un autre line-up. Donc, pourquoi c'est critiqué? On retourne à notre sujet. C'est une immense aparté. Parenthèse ou aparté. On ne permet pas de faire des précommandes sur le produit. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. Puis, à mon humble avis, c'est la meilleure façon de faire. Si tu le veux, le produit va te mettre en ligne. Les précommandes, ça commence à... Tu sais, il y en a toujours une ligne. Là. Quand tu vas essayer de précommander sur Internet, les serveurs vont crasher, ça ne marchera pas. Faut que tu t'attendes à un délai de quelques semaines aussi pour le recevoir. Là. Exactement. Quand on le commande, il n'y a pas de tracker, c'est-à-dire de savoir si... S'il n'y a pas de tracking number, donc à savoir si l'appareil s'en vient ou quoi que ce soit. Et il n'y a pas non plus, en fait, à savoir combien il y a d'appareils par magasin. Souvent, on va le voir, là, simplement si on va chez Future Shop, il y a le reste 4 TV en stock, ça, on le sait. Mais chez Apple, ils ne disent pas le nombre d'appareils qui leur reste. Et ça contribue un peu à créer ces line-up-là, qui est le point 3 pour qu'on critique des lignes, des lignes et des lignes. Mais Apple utilise un peu ces lignes-là, cette file d'attente-là, pour créer un buzz puis dire « Hey, check comment il y en a du monde qui veulent mon appareil. T'as-tu ça pour ta zone? » Puis ça va faire sûrement les nouvelles locales. Et voilà. Si c'est pas national. Oui, un journaliste là, cette journée-là où est-ce que c'est un peu plus calme. Là. C'est un très bon sujet, là, aller filmer la ligne de Apple, dire que le iPad 2 est disponible à monsieur et madame tout le monde qui ne suivent pas les sites spécialisés, ça paraît très bien. Il y a aussi le problème le marché gris, donc achat d'un bon nombre d'appareils uniquement dans le but de le revendre et de, bon, créer une rareté. On le sait qu'il va avoir une rareté. Donc, à ce moment-là, si on en a un bon nombre, on est capable de le mettre sur eBay et de faire gonfler les prix. Un peu comme l'étiquette de spectacle, ouais. Des consoles de jeux vidéo. On a vu le phénomène aussi. Là. Des consoles PlayStation 3, si on était capable de mettre la main aux États-Unis et les revendre sur eBay, c'était comme 2000$ ou quelque chose comme ça. Là. C'est complètement ridicule. Et Apple qui pourra peut-être pas remplir ses promesses, mais on comprend, en fait, une des problématiques, c'est qu'il y a certaines composantes qui ne sont pas disponibles à cause des... Bien, il y a le tsunami, les tremblements de terre au Japon qui ont fait en sorte que certains fournisseurs de pièces, de composantes, bien, sont au Japon. Donc, on a peur qu'il y ait une rareté. Si ces usines-là ne puissent pas fournir les composantes en soi à Foxconn, qui est la compagnie chinoise qui fabrique le iPad. Mm-hmm. Donc, Foxconn a déjà annoncé qu'ils ont des alternatives au cas que cette situation-là se présentait. Donc, il faudrait peut-être pas trop s'en faire à court terme dans les deux, trois prochaines semaines. Foxconn est capable de fournir des appareils. Après ça, c'est un peu moins certain, mais ils ont rassuré les gens pour dire qu'ils ont d'autres fournisseurs. Bien, on a eu cette semaine là, des rumeurs contradictoires comme quoi le lancement international allait être retardé justement à cause de cette problématique-là. Et ce qui se passe, c'est qu'Apple, sachant qu'il y avait un lancement international à faire le 25, il l'avait annoncé et Steve Jobs aime pas trop annoncer des trucs sur scène et que ça n'arrive pas. Mm. On pense au iPhone blanc, entre autres. Donc, il y a eu une quantité de iPad 2 qui ont été construits ouais. pour le lancement international. Donc, il y aura une quantité, mais si vous en voulez un, si vous y réfléchissez, ben, que votre décision soit prise avant, je vous dirais, vendredi matin, 5h, pour pouvoir aller faire la ligne jusqu'à 17h le soir, heure à laquelle le iPad commencera à être vendu aux gens qui seront là. On parle de 17h pour les magasins. Ça inclut les Apple Store, mais ça inclut d'autres revendeurs comme Future Shop ou Best Buy, tout ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est la quantité vendue par magasin. Ça fait nos différences aussi. C'est ça. Si tu dis, oui, on va en avoir 50, bien là, oui, on en vend, mais on en vend juste 50. C'est ça. Donc, les 50 premiers qui seront là, puis les gens qui vont se réveiller trop tard, 17h moins 2, il n'y a pas le temps de décider d'acheter un iPad. Faut que tu l'aies planifié. Je ne sais pas s'ils vont faire comme aux États-Unis, maximum 2 par client. Ça, je ne sais pas pour le Canada si c'est la même politique qu'ils vont faire. Sûrement. Je pense que c'était le cas pour le iPhone. C'est sûrement le même cas pour le iPad. On verra bien. Il y a aussi d'autres critiques qu'on a vues, plus de défauts de fabrication, un problème de colle au niveau de l'écran qui faisait des tâches au niveau de l'écran. La caméra aussi qu'on a vue aujourd'hui, tout récemment, là, qui pouvait freezer dans ouais. l'iPad. Apple, d'ailleurs, qui, ces derniers temps, semble peut-être pousser des produits un petit peu trop rapidement. À date, on a des problèmes avec le MacBook Pro de crash. Beaucoup des problèmes graphiques avec les produits graphiques. Là. Les cartes ATI. Les cartes, oui. On a des problèmes avec le MacBook Air, iTunes et 10.6.7 qui vont pas très bien ensemble. Ouais. On a des problèmes avec le iPad que tu viens de dire. Donc, Apple là, qui devrait peut-être ralentir un petit peu puis stabiliser en fait toutes ces choses-là. Fait que les gens ont le choix soit de devenir un des premiers clients à acheter, donc il faut se présenter tôt vendredi, ouais. ou soit de se dire, bon, il y a un gros buzz, ça ne me tente pas de faire la ligne, ça ne me tente pas non plus de prendre un produit qui risque d'avoir des défauts dedans encore. On est quand même protégé par la garantie, ouais, mais si on ne veut pas faire c'est la... C'est un peu plate d'aller retourner ouais, l'appareil et tout ça. Puis d'attendre un peu, laisser passer une première vague, puis d'aller l'acheter un petit peu plus tard, d'être un peu plus patient, puis de l'acheter un peu plus tard. C'est à votre choix. Ça peut être une sage décision. Moi, je suis rarement sage, mais mon portefeuille, ce coup-ci, ne me permet pas de mettre à jour. De toute façon, c'est ce que je te disais avant l'enregistrement de l'épisode. Le iPad 2 est plus... on pourrait l'appeler un iPad 1.5. Ouais. Des nouveautés dedans pour se mettre, disons... correctement pour pouvoir se battre correctement contre les autres tablettes qui ont été annoncées, mais pas nécessairement de révolution. Ceux qui ont déjà un iPad, c'est pas une obligation de mettre à jour. Ceux qui attendaient au moins une caméra pour faire du FaceTime, à ce moment-là, ben c'est clair, là, aller avec ce produit-là ouais. plutôt qu'un autre. Je lisais, c'est hors sujet, là, mais je lisais le Xoom qui a un des concurrents sérieux là, au iPad, ils vont en faire entre 400 et 700 000, si je ne me trompe pas, à partir du mois d'avril. Et à partir du mois de juillet, ils arrêtent de produire ouais. cet appareil-là. Déjà qu'ils ont baissé, leur chaîne de production ont déjà baissé le nombre d'unités fabriquées. C'est déjà commencé. Là, ils ont offert un nouvel appareil Wi-Fi seulement, pour concurrencer un petit peu l'iPad de base, ouais. pour être un petit peu... Pouvoir descendre le prix, comme Steve l'a dit pendant la présentation du iPad 2, nos concurrents ont beaucoup de difficultés ouais. à accoter le price tag qu'on ouais. a parce qu'on fait un achat de masse ouais. Absolument incroyable. Puis les gens ont été avertis que l'iPad 2 s'en venait, donc ils se sont dit sûrement, on va attendre. Puis l'iPad a fait ses preuves pendant plus d'un an. On va regarder la proposition d'Apple. Ouais. On va regarder la proposition d'Apple, exactement. On passe maintenant à AT&T qui avertit certains utilisateurs de souscrire à un plan de tethering. Au Canada, le tethering, qui est la possibilité d'utiliser son téléphone comme modem pour l'ordinateur, est gratuite avec à peu près tous les fournisseurs d'accès, que ce soit chez Bell ou TELUS. Et, Rogers. Rogers, Bell, Fido. Bell, TELUS, Rogers, Fido aussi. Oui. Tant qu'on a un plan data de 1 gig et plus. Exact. Donc, 1 gig, 3 gigs chez certains fournisseurs ou même 6 gigs pour les chanceux qui auraient ce plan-là. Aux États-Unis, le tethering est arrivé très, très tard. Et même que dans la présentation qui parlait du tethering, Steve Jobs est allé assez cinglant sur AT&T pour dire ben ça va venir plus tard. Puis il a vraiment mis une emphase là-dessus. Et quand AT&T a commencé à l'offrir, ils ont chargé. Ils ne l'ont pas offert gratuitement. Ils chargent pour faire du tethering. Je crois que c'est 20 $ c'est tout ça? 20 $ par mois supplémentaire? Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est cher, 20 $. J'ai déjà mon Internet à la maison. J'ai déjà mon Internet sur mon cellulaire. Puis là, parce que je pourrais utiliser l'Internet de mon cellulaire sur mon ordinateur quand je suis en déplacement, 20 $ par mois, c'est beaucoup. Puis on ne donne pas plus de services, c'est-à-dire qu'on... Absolument pas. C'est juste pour 20 $, c'est juste pour se dire, oui, je te permets que tu utilises ton plan data, pas juste sur ton iPhone, mais sur ton portable. Parce que ça augmente les chances que tu dépasses le forfait, pas que tu dépasses, mais que tu utilises un plus gros pourcentage du forfait que je te vends déjà. Non, mais si tu me vends le forfait, là, regarde, moi, c'est 6 gigs, c'est ça que j'ai le droit d'atteindre, pose-moi pas d'autres questions après ça. T'sais, moi, sérieusement, je suis contre ça. Là, ouais. Tu me vends 6 gigs, tu me l'as vendu 30 $ par mois, ben assume. Si tu m'as vendu 6 gigs pour 30 $, là, ben tu peux être sûr que le gars qui te l'a acheté, c'est parce qu'il pensait l'utiliser à fond. Dans les faits, on se rend compte que 1 ou 2 gigs, c'est ce que les gens utilisent la plupart du temps. C'est une moyenne ouais. sur le iPhone. C'est dur de dépasser ça. Et en fait, c'est que AT&T envoie, fait une communication auprès des gens qui utiliseraient MyWi. MyWi, pour l'utiliser, faut que le téléphone soit jailbreaké, faut avoir acheté une application qui est 10 $, donc qu'une seule fois. Mm-hmm. Mais là, c'est que AT&T, d'une façon ou d'une autre, est en mesure de voir ou d'estimer qui utiliserait cette fonctionnalité-là et les avertirait de plutôt que d'utiliser ça, de payer, ce qui n'est pas à l'avantage des gens, mais en même temps, c'est comme une menace déguisée, genre, ouais, ben là, on pourrait vous faire perdre de quoi, peut-être, si vous continuez à utiliser ça. Donc, c'est un dossier à suivre, là, mais AT&T aux États-Unis, qui, pour certaines décisions, là, est encore pire que nos propres compagnies de télécommunications ici. Puis AT&T, qui, on a su cette semaine, qui avait acheté T-Mobile en plus. Oui, qui sont devenus juste plus gros que le bœuf. Ouais. C'était déjà la première compagnie. T-Mobile est la deuxième. Ils l'achètent pour 39 milliards. Ça va être très dur pour les autres joueurs de vraiment concurrencer. Surtout que si on se souvient bien, pour avoir l'exclusivité du iPhone, Apple n'était pas allé avec AT&T. Apple était allé avec la compagnie Cellular One dans les premiers temps et AT&T a racheté Cellular One avant même que le iPhone arrive sur le marché pour être les distributeurs du téléphone. Probablement que l'achat se tramait depuis plus longtemps, mais les gens étaient contents que Apple aille avec Cellular One. Finalement, c'est racheté. Ils se retrouvent avec AT&T. Ils n'ont pas la réputation d'avoir la couverture la meilleure, le service le meilleur. Il y a beaucoup de gens qui étaient déçus à cause de ça. On parle maintenant du ZFS qui sera bientôt dans l'OS X. Dans Lyon, effectivement, le ZFS est un format c'est un format de formatage de disque dur. On en a parlé déjà à l'émission avec ouais. le HFS Plus, avec le NTFS et avec le FAT32. Donc le ZFS, c'est un nouveau format qui est utilisé dans le monde Linux et qui est prêt pour l'avenir, là, qui est capable de gérer des exabytes de données. Donc des disques durs là, qu'on pourrait très bien mettre dans l'Enterprise parce que c'est des quantités phénoménales de données. Et on a déjà vu une certaine implantation de ce protocole-là déjà à l'époque de 10.4. Le protocole, c'est Sun qu'il développait, ça appartient à Sun. Sun était bien prêt à faire des efforts pour Apple, mais Apple voulait se le faire licencier d'une certaine... En tout cas, il y a eu des problèmes, ça n'a pas été mis dans le système. On pouvait l'activer par ligne de commande, mais c'était pas recommandé. Donc, à ce moment-là, on en parle encore, puis ce serait intéressant parce que c'est un format pour les disques durs qui est beaucoup plus récent et qui se débarrasserait de certains problèmes que le HFS Plus a. Donc, on parle de 128 bits, on parle du support de beaucoup d'octets, on parle de fichiers immenses de 16 exaoctets, 16 000 exaoctets, donc c'est des quantités phénoménales de données et on n'en entendrait plus parler pour un bon moment. À ce moment-là. Si vous voulez en savoir davantage sur cette technologie-là, bien, on va faire des liens dans les notes de l'émission. On parle d'Apple qui est dans l'eau chaude à cause d'une application qui apparemment soignerait l'homosexualité. Oui, bien, there's an app for everything. Donc, il y a une application pour guérir l'homosexualité. Il faut savoir que cette application-là a été mise en ligne par un groupe d'ultra-religieux des États-Unis. Qui d'autre pour offrir une telle abomination? Et l'application a réussi à se creuser un chemin ou à se faufiler sur le App Store. On entend en fait des gens qui disent bon, Apple a échappé la balle sur ce dossier-là. Probablement que la vérification des applications est faite. D'un côté technique, le guide des quelques personnes qui sont là pour approuver toutes ces applications-là. Il y a probablement des tests qui sont faits sur l'application. Est-ce qu'elle crash? Est-ce qu'elle a un bug? Est-ce qu'elle respecte tel ou tel aspect d'un guide qui est prédéfini? Évidemment, un truc comme... T'sais, c'est pratiquement... Dire qu'on guérit l'homosexualité, c'est pratiquement un discours haineux. Il y a déjà une loi là, contre ça. Donc, bon, on pense pas à faire... on pense pas qu'Apple est obligé non plus de vérifier ça. Là. C'est le groupe ultra-religieux qui n'avait pas d'affaire à mettre cette application-là. Et Apple, peut-être, a réagi un petit peu lentement, attendu. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'elle était dans l'eau chaude, parce que là, elle a réagi très tardivement. Là, on est mercredi. Hier, on a su, mardi, on a su que après 150 000 personnes qui ont signé une pétition, mais que finalement, Apple a retiré l'application qui s'appelait GeekCure. Ouais. Donc... Bien, là, la décision d'Apple, c'était qu'est-ce qu'on fait? On se met à dos la communauté gay, on se met à dos la communauté ultra-religieuse parce qu'on leur enlève ce qu'on avait permis d'aller, mais... À la base, c'est un discours qui est haineux de proposer cette application-là. Donc, c'était clair que l'application allait s'enlever. Ouais. Oui, il faut dire aussi qu'il y a une forte proportion d'homosexuels qui ont adopté les produits Mac. Donc, j'imagine qu'il y avait un tiraillement pour Apple entre soit de choisir un groupe... particulier versus un groupe religieux. Donc, c'est deux groupes qui ont historiquement beaucoup d'argent. Donc, oui, et une grande force c'est... aussi à l'intérieur. Exactement. Maintenant, bon, en tout cas, tu vas avec les victimes, tu ne vas pas avec ceux qui ont fait... Qui ont fait une niaiserie. Là, tu vois que le bon sens aussi. À un moment donné, tu regardes, tu te dis, ben là, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est des croyances aussi. Bon, vas-tu avoir... Je sais pas, mais d'autres choses qui n'ont pas d'allure. C'est comme une application pour guérir des cheveux blonds. Là, ben, c'est ça. Donc, à un moment donné, voici l'application pour guérir de votre calvitie. À un moment donné. Mais ça ne laissera pas grand monde. Mais mettons quelque chose de plus pire que ça. Ouais. Il va sûrement en avoir d'autres, mais bon, je pense qu'Apple va faire un petit peu plus attention la prochaine fois. Il y a Steve Jobs qui fait questionner un petit peu certains actionnaires de Disney concernant son état de santé. Effectivement, Steve Jobs, qui est l'actionnaire unique ayant le plus d'actions de Disney après le rachat de Pixar par Disney. Donc, Steve Jobs a vendu Pixar à Disney. Il s'est fait payer en actions. Il y a maintenant 7 % des actions En tant qu'individu. C'est le plus grand actionnaire en tant qu'individu. C'est pas un groupe, c'est pas... c'est l'individu ayant le plus d'actions. Et il est sur le CA de Disney. Et à cause de son état de santé, ben c'est sûr qu'on remet un petit peu en cause son implication. Surtout qu'au cours des dernières années, il est allé beaucoup à l'hôpital. Il a dû probablement s'absenter et être très peu souvent sur le board of directors, le CA. Donc là, il y a deux groupes, en fait. Il y a un groupe qui commence à se poser des questions et il y en a un autre qui demande carrément à ce que Steve Jobs soit évincé et qu'on le remplace. Là. Donc, ce sera à voir. Est-ce que Steve, en fait, s'en va vers probablement une semi-retraite en quelque part. Donc, il va être obligé d'abandonner des projets de toute façon. Là. Il y a un site français qui a fait la synthèse de toutes les rumeurs concernant le iPhone 5. Oui, donc le site Nowhere Else, qui sera dans les notes du podcast, c'est intéressant parce qu'ils ont fait de très beaux petits icônes. C'est très bien expliqué, très graphique. Et ils disent toutes les rumeurs qui peuvent être associées au iPhone 5 et ils donnent un pourcentage de possibilités que ces rumeurs-là se réalisent. Donc, on va y aller avec les rumeurs qui ont le plus de possibilités, soit une meilleure caméra, un écran de 4 pouces, un design, le même design. On parle d'un modèle blanc, bien évidemment. On parle d'un modèle CDMA, le processeur A5 qu'on retrouve dans le iPad qui serait dans le nouveau iPhone. On parle de iTunes dans les nuages, du lancement de iOS 5 et d'un lancement à 80 % autour du mois de septembre. Moi, je dirais à l'international, j'irais plus en été pour le lancement du iPhone 5 aux États-Unis. Donc, à peu près toutes les nouvelles, toutes les rumeurs qu'on a entendues parler, eux, ils les ont mises. Là. C'est ça qui est le fun. Ils ont noté ça. Mais c'est encore là leur opinion à eux autres. Là. On verra bien en temps et lieu. Il y a aussi, à l'inverse, là, ben, un clavier physique, on n'en aura pas, selon eux. Possibilité d'avoir des modèles à bas prix, très peu probable, etc. Donc, pour vraiment aller faire le tour de toute la question, bien, on vous invite à aller consulter ce site-là. Lien qu'on va mettre dans les notes de l'émission. Voilà. On parle ensuite de l'indépendance de résolution, qui est un concept qui a été breveté par Apple. L'indépendance de résolution, c'est de fabriquer des éléments graphiques pour tout le système qui vont être d'assez bonne qualité pour s'adapter à n'importe quelle résolution. C'est-à-dire que si on a des écrans avec des résolutions complètement ridicule. Puis je ne parle pas de haute définition parce que ça, c'est 1080p. Et pour l'informatique, 1080p, c'est une petite résolution. Donc, je parle des écrans là, de 2500 par 1600 de résolution. Donc, Apple qui brevette ce concept-là, dont on a entendu parler, il y a déjà dans Snow Leopard des éléments qui sont indépendants de résolution, entre autres les icônes de vos applications. Les applications fournies par Apple sont indépendantes de résolution, c'est-à-dire qu'ils sont en 512 pixels et qu'on peut les grossir. Là, si vous regardez en mode cover flow, vous pouvez les grossir et ils vont toujours être aussi clairs. On va maintenant parler d'applications. Oui. L'application Tout.tv qui a été mise à jour pour fonctionner avec AirPlay. Oui, AirPlay qui est le système de diffusion sans fil entre un périphérique Apple et un autre périphérique, que ce soit pour l'audio et la vidéo. Je le répète à toutes les fois, mais j'ai encore vu cette semaine des gens sur Facebook demander qu'est-ce que c'était AirPlay. Et à ce moment-là, ça permet de rentrer chez quelqu'un. Par exemple, toi, tu as un Apple TV à la maison. Moi, j'arrive chez toi avec mon iPad. Il y a une émission 19.2 que je veux écouter, par exemple. Plutôt que de rester sur mon appareil, toi aussi, tu veux la regarder, ben, je déclenche AirPlay, je sélectionne ton Apple TV et automatiquement, en fait, le contenu de l'application Tout.tv est streamé en flux continu sur ta télévision et c'est donc mon iPad qui remplace ton câble au distributeur pour l'écoute de ça. Donc, c'est disponible dès maintenant. Il y a une application fort pratique pour les amateurs de podcasts qui ne voudraient pas fonctionner avec iTunes, qui voudraient fonctionner directement avec une application. Il y en a une qui existe, elle s'appelle Instacast. Effectivement, c'est toi qui m'as montré ça tout à l'heure. Moi, je l'ai installé. On a surfé brièvement, c'est une application à 1,99 et un des gros avantages de cette application-là, c'est de pouvoir faire de la synchronisation over the air. Oui. Donc, dans l'application Instacast, qui est capable d'aller chercher vos abonnements à des podcasts, va à ce moment-là vérifier votre liste. Et comme elle tourne en background, dès qu'elle voit que vous êtes sur une connexion Wi-Fi, va automatiquement se mettre à jour. Ce qui est pas mal intéressant pour nos auditeurs qui écoutent notre podcast et qui probablement en écoute d'autres. Une des petites fonctionnalités que j'ai trouvées intéressantes et qu'on ne retrouve pas sur le iTunes, ouais. C'est la possibilité de discriminer par français ou anglais. Donc, ouais. Si je me cherche des podcasts en français, eux sont capables de me générer une bonne liste de ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, les gens là, qui partent, par exemple, en vacances pendant plus d'une semaine, qui peuvent pas synchroniser là, avec leur iTunes, ces podcasts, c'est une application qui est fort pratique. C'est vrai. Puis, bon, je sais pas, fin de semaine aussi, mais bon. Donc, regardez ça, Instacast, une application à découvrir. Il y a Angry Bird, ben oui, Angry Bird encore, Angry Bird. Mais là, on a une nouvelle version encore. Angry Bird Rio. Puis si je me trompe pas, puis si c'est pas une farce, là, j'ai pas suivi, mais il y a un film qui sort, je crois que c'est le 25 mars. Ah oui? Il y a un film Angry Bird qui sort, qui est l'histoire des Angry Birds qui se font kidnapper puis amener à Rio. C'est un scénario là, digne d'un film de Bud Spencer et Terence Hill. Mais donc, il y a un film qui sort et probablement pour mousser. mousser. En fait, c'est un phénomène en soi, là, Angry Bird, qui est déjà à la première place des applications payantes et des applications qui se vendent le plus aussi. C'est pas tout d'être dans les applications payantes. Il y a la troisième colonne, c'est ceux qui ont un pourcentage de vente là, le plus. Angry Bird, c'est ce jeu ultra simpliste où on a différentes sortes d'oiseaux qui sont capables de différentes sortes de pouvoirs et on les catapulte simplement sur des structures en dessous desquelles sont cachés des cochons qu'on doit faire exploser. C'est ça le concept. Ouais. C'est un phénomène, c'est vendu, ça n'a juste pas d'allure, c'est rendu dans la culture générale. T'es capable de faire une présentation PowerPoint puis glisser une joke Angry Birds en quelque part. Et ce qu'il faut savoir, et j'ai lu ça sur Twitter cette semaine, j'ai trouvé ça très drôle, je pense que c'était ce matin, le iPhone 4, sur lequel la plupart des gens vont jouer à Angry Bird, est plus puissant que toute la puissance informatique dont la NASA disposait dans les années 60 pour envoyer des hommes sur la Lune. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on a toute la puissance de la NASA dans nos mains? Ben, on envoie des oiseaux. On envoie des oiseaux pour les tuer des cochons. Pour tuer des cochons. Et voilà. Il y a le Bundle Mac Update du printemps qui est offert actuellement pour une période très limitée, donc profitez-en. On en glisse un mot rapidement, mais juste pour vous dire qu'il y a d'excellents logiciels qui se trouvent dans ce bundle-là. Qu'est-ce que c'est un bundle? Bien, c'est un regroupement de logiciels qui vaut une certaine valeur puis qu'on vous l'offre à bas prix. Cette fois-ci, c'est 50 $. On a entre autres Parallels Desktop 6. On a One Password dedans, on a Tech Tool 5 dedans, on a Civilization 4. En fait, il y en a un paquet, je pense que c'est 11 ou 12, c'est pas plus, parce qu'ils s'en rajoutent des fois en supplément pendant la période de l'offre. Donc, c'est une promotion à ne pas rater. On va vous faire le lien dans les notes de l'émission. On termine le bloc application avec Google Mobile Search. Bien, Google Mobile qui devient Google Mobile Search et qui offre la possibilité de raffiner les recherches, une interface qui a été peaufinée avec, bon, on fait une recherche, ça nous donne des résultats et là, on peut glisser sur le côté un espèce de tiroir qui nous offre des options, pour dire, bien, je voulais chercher ça, mais je voulais chercher que les images, tout ça, donc... cette application-là qui devient plus intéressante. Et il y a deux fonctionnalités qui sont pseudo-cachées dans Google Mobile Search, c'est-à-dire la possibilité de faire des recherches par la voix. Okay? Donc, ça, on va dans les options de configuration de l'application et on l'active. Et il y a aussi, comment ça s'appelle? Google Goggles. Google Goggles, que j'ai bien... J'ai bien ri avec d'autres personnes. Je l'ai fait découvrir à plein de personnes. Par exemple, photographier une photo de vacances là, d'un monument célèbre, puis Google était capable de dire c'était quoi. Donc, c'était vraiment impressionnant. Moi, ce que je trouve drôle avec Google Goggles, c'est que si vous parlez à Frédéric Harper et que vous lui demandez c'est quoi le service de recherche par image de Google, il va vous dire, parce qu'il prononce très mal Google, il va vous dire c'est Goggles. OK. Parce que c'est ça qu'il dit. Pour communiquer avec l'équipe du podcast Mac Québec, par courriel podcast@macquebec.com. Vous pouvez également participer à l'émission en enregistrant votre question sur notre boîte vocale composée dans la région de Montréal, le 450-800-0640 et dans la région de Québec, 418-800-1966. On vient d'entendre les adresses pour nous joindre. Bien, on en a reçu des questions du public. On commence avec celle de Jean-François Olivier qui nous demande « Sur iPhone, est-ce qu'il y a un moyen de synchroniser ses courriels Hotmail aussi bien qu'avec Gmail? » Donc, pour faire un récapituler, ouais. Gmail offre deux technologies qui permettent de faire ça très bien. C'est-à-dire qu'il fonctionne avec IMAP, qui est en fait de consulter ses emails qui sont sur un serveur. Ouais. Ce qui fait que tu y ailles avec ton iPhone, avec ton iPad, avec ton ordinateur ou l'ordinateur d'un ami, ben tu vas voir à quel email tu as répondu. Tu ne verras pas un email que tu as effacé, tout ça, contrairement au compte POP3. Ouais. La différence entre POP et IMAP, un compte POP, c'est un compte ordinaire comme on a dans nos fournisseurs, un compte de base. Quand on a des courriels à l'intérieur, c'est-à-dire le premier logiciel qu'on utilise, il va aller chercher les courriels du serveur et il va les amener dans votre ordinateur. Donc, ils disparaissent de votre serveur POP, à moins qu'on ait coché l'option de conserver les messages sur le serveur, mais là, on n'aura plus de synchronisation. On a un dédoublement. On efface deux fois plus de spam, deux fois plus d'emails qu'on veut pas, et on ne sait pas tout à fait si on a répondu à quelqu'un parce qu'on y a répondu à partir de l'autre appareil. Tandis que IMAP, les courriels sont conservés sur le serveur et peu importe l'accès, que ce soit par votre iPhone, que ce soit par votre ordinateur ou un autre ordinateur à l'extérieur, vous consultez toujours les mêmes courriels. Donc, si vous détruisez un courriel, si vous jetez un courriel du serveur, mais il ne se retrouvera pas dans n'importe quel appareil, il n'est pas dédoublé. Voilà. Donc, c'est ce moyen-là. C'est pour faire une image, là, pour faire comprendre un peu la façon que ça fonctionne. Donc, Gmail fonctionne de cette façon-là. Et aussi avec Exchange. Ils ont aussi, ils ont licencié ActiveSync et ils l'utilisent aussi. On peut programmer dans un Mac comme dans un PC son ordinateur pour recevoir du ActiveSync. OK. Donc, la question de M. Olivier, ça concerne Hotmail. Oui. Donc, Hotmail fonctionne avec une technologie qui s'appelle Exchange ActiveSync. Donc, qui va vous permettre justement d'avoir du push mail, qu'on appelle, et de synchroniser aussi les calendriers, les contacts. De la même façon que les gens qui ont un compte Microsoft à l'intérieur d'une entreprise, par exemple, ou d'une organisation qui aurait Microsoft Exchange Server. Donc, c'est le même principe, c'est-à-dire que les courriels sont centralisés dans un serveur et on peut y accéder, peu importe la plateforme qu'on veut utiliser. Donc, Hotmail utilise cette technologie-là. Il y a une façon de faire pour paramétrer son iPhone pour pouvoir utiliser cette technologie-là. Je vais vous faire le lien dans les notes de l'émission pour pouvoir avoir la recette pour programmer ou paramétrer votre iPhone pour faire en sorte que votre Hotmail soit ait le même comportement que Gmail pour synchroniser les courriels. Ma solution à moi aurait probablement été de s'ouvrir un compte Gmail et d'aller le configurer pour recevoir les courriers Hotmail dedans. Je ne sais pas ce que ça donne en termes de qualité pour les contacts et pour les calendriers du côté de Windows Live, mais je sais que c'est quand même bien intégré du côté de Gmail. Et si jamais vous décidez de lâcher votre iPhone pour aller vers un téléphone Android, ce que je ne comprendrais pas comme décision, parce que je suis un fanboy Apple, mais si vous décidez de faire ça, ben encore une fois, ça va très bien s'intégrer à votre téléphone. Pour ma part, Gmail est le meilleur service de courrier qui existe en ce moment. Et on a une autre question qui nous vient de L. Marteau QC, une question qui nous est venue par Twitter. Est-ce qu'il y a un moyen de se servir du trial, de la mise à l'essai de 60 jours de MobileMe si on a déjà un compte pour Find My Phone? Donc, la réponse courte, c'est oui. Maintenant, pour avoir la fonction Find My Phone, qui on l'a déjà dit, est maintenant plus dans le package MobileMe, mais qui a bien été offert à l'extérieur du package MobileMe, il faut utiliser son Apple ID. Donc, son Apple ID, c'est le compte que vous avez créé avec iTunes. Habituellement, ça va être votre adresse de courriel officielle. Maintenant, si vous avez créé votre Apple ID avec l'adresse MobileMe de 60 jours, là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais je doute que vous ayez fait ça. Donc, oui, vous pouvez vous servir du trial de 60 jours, mais là, au bout de ce 60 jours-là, ça ne fonctionnera plus. Votre synchronisation des carnets d'adresses, des calendriers, tout ça, fonctionnera plus sur votre téléphone, ce qui risque d'être assez dommage. un petit truc, je ne sais pas si on l'avait déjà mentionné à l'émission, mais un petit truc pour MobileMe qui est quand même vendu une centaine de dollars. Si je ne me trompe pas, les boîtes ont arrêté d'être vendues dans les magasins, mais on peut encore en trouver sur... On en trouve encore dans l'Apple Store, récemment. C'est vrai, mais il y avait quand même une rumeur qui était sortie qui avait arrêté de le vendre. Non, je ne comprends pas cette rumeur-là parce que je les ai vus dans les deux Apple Store, un à Québec et un à Montréal, puis c'est tout récent en plus. Peut-être que c'est les derniers exemplaires. Bref, peut-être. Sur eBay, on est en mesure de trouver des boîtes pour 30-40 $ moins cher. Et les vendeurs, là, évidemment, vous regardez les feedbacks. Il ne faut pas qu'ils aient vendu deux items. Mm-hmm. Mais s'ils en ont vendu beaucoup et que leur feedback est haut, habituellement, vous lisez. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous envoient le code inclus dans la boîte pour faire votre enregistrement MobileMe. Et ça vient de vous coûter 69 $. Donc, pas de frais de shipping, rien. Ouais. Moi, je trouve que c'est l'idéal. C'est ce que j'ai fait cette année pour renouveler. Ça s'est très bien passé. Ce que j'ai vu sur Internet, c'est que s'il y a des gens présentement qui n'ont jamais eu de compte MobileMe, c'est le bon temps d'aller se servir de la mise à l'essai de 60 jours parce qu'il y a une forte possibilité que le MobileMe gratuit, la grosse rumeur, bien, ce soit un service qui va être offert à partir du mois d'avril. Mm-hmm. Donc, c'est le temps pour vous de l'essayer. Bien, c'est ce qui complète cette édition du podcast Mac Québec. J'espère que ça a su vous plaire. Je te remercie beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Bernard. Et on se dit à bientôt.